Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme chaque jour, nous retrouvons Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons parler de l'origine des décorations. Pas les décorations de Noël, je précise. Et Dominique Jamais vient de publier chez Pygmalion un livre qui s'appelle La chute du président Caillaux, où la chronique haletante d'un grand fait divers politico-judiciaire. Oui, on va célébrer le centenaire de cet événement incroyable qui a fait la une des journaux à l'été 1914, au point même de faire oublier à l'opinion que l'Europe était en train de basculer dans la guerre. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes l'après-midi du 16 mars 1914. Nous sommes rue de Rouault, il faut imaginer, en plein cœur de Paris, qui est encore, si j'ose dire, pour quelques semaines, celui de la belle époque. On est à l'heure du thé. Une automobile, une voiture de ministre, mais dont le chauffeur a reçu l'ordre de retirer la cocarde tricolore, s'arrête devant l'immeuble du Figaro, au 26 de cette rue de Rouault. Imaginez l'encombrement de ce que peut être Paris en plein après-midi, bien entendu. Descend de cette voiture, une dame tout à fait digne, la quarantaine élégante, l'aspect un peu hautain, dit-on. Elle porte une longue robe de satin noir, avec une toque à aigrette sur la tête. Et, ce qui est assez surprenant, ce 16 mars, elle a les mains enfouies dans un manchon de fourrure. Vous savez, c'est fou tout ce qu'on pouvait cacher dans les manchons de fourrure. Autrefois, les dames y avaient notamment ce qu'on appelait leur chien de manchon. Vous savez qu'on mettait des tout petits chiens. Bon, mais là, ce n'est pas un chien que porte Madame Caillaux en l'occurrence. Elle entre dans les locaux du Figaro, donc de ce grand quotidien. Elle se dirige d'emblée vers le bureau du directeur. Et il y a là un huissier, il s'appelle Étienne Nisset, qui lui explique que Monsieur Calmette, le patron, est absent. Et peut-on savoir, madame, à qui l'on a affaire ? Monsieur Calmette me connaît, répond simplement la dame. Et elle va s'installer là et l'attend pendant une heure dans l'antichambre. Que fait-on dans une antichambre lorsqu'on attend ? Mais on feuillette des illustrés, c'est ce que fait madame Caillaux. Elle est assez nerveuse, mais en vérité, elle essaie de le cacher. Elle le montre très peu. Et ce, même lorsqu'un dessinateur et un agent publicitaire discutent tout près d'elle de gravures de mode que l'on devra insérer dans le prochain numéro du Figaro. Et à ce moment-là, elle croit qu'on prononce le nom de son mari. Elle n'en reste pas moins silencieuse. Elle est assise, bien droite, assez discrète. À 18h, Gaston Calmette fait son apparition. Il arrive avec le célèbre écrivain Paul Bourget. C'est le patron du Figaro. Il est tout à fait normal qu'il circule comme ça avec une sommité des lettres. Il a 55 ans, Gaston Calmette. Il faut l'imaginer avec le visage un peu rond, le ventre également, une épaisse moustache, des lunettes. Il est entré au Figaro à l'âge de 27 ans. Il est devenu le gendre du directeur et il lui a succédé en 1902. Alors, le directeur entre dans son bureau, il est en pleine conversation, bien entendu, il ouvre son courrier. Enfin, là, c'est pareil, c'est ce qu'on fait habituellement lorsqu'on revient au bureau sur les coups de 18h après un déjeuner qui s'est un peu prolongé. Et puis, il s'apprête à ressortir pour aller vers les Champs-Élysées. Dans la voiture de Bourget, du reste, il a déjà une main sur la rampe, il est 6h15 à ce moment-là. Hein. Et l'huissier lui dit « Monsieur, une dame vous attend ». Et il approche l'enveloppe qu'a donnée la dame, qui porte la vignette de la Chambre des députés. « Oh non !» dit-il. Et à Bourget, il fait glisser la carte de visite. La femme de l'homme contre lequel le Figaro mène depuis plusieurs semaines une violente campagne est là, dans son antichambre, et qui l'attend. « Oh, vous n'avez tout de même pas à la recevoir !» lui dit Paul Bourget. « Ah, mon cher ami, je reçois toujours les femmes !» Donc le pied de Gaston Calmette ne se posera pas sur la deuxième marche, il fait demi-tour, il rentre dans son bureau, un garçon de service vient du reste rallumer deux lampes et il fait entrer Madame Caillaux. « Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite, lui dit-elle. « Mais non, pas du tout, veuillez vous asseoir, je vous en prie, Calmette déboutonne son pardessus. » Il n'a même pas le temps de l'enlever, Henriette Caillaux a tiré de son manchon le pistolet automatique qu'elle y dissimulait, c'est un Browning, elle vide le chargeur comme ça, presque à bout portant. Elle ne cesse de tirer 5-6 balles. 2 impacts de balles seront retrouvés dans la bibliothèque. 4 ont touché Calmette, dont une est fatale. Il est touché au bassin. Cette balle a perforé l'artère iliaque. C'est une balle qu'on pourrait qualifier de meurtrière. Aussitôt, le garçon qui était là, qui a entendu, ça a fait un claquement sec, évidemment, hein, entendu du dehors. Il revient dans le bureau avec l'huissier, suivi de Paul Bourget. Le garçon prend le pistolet des mains de Madame Caillot. « Attention, dit-elle, il reste peut-être une balle dans le canon. » Et comme on veut la raisonner, « Je suis Madame Caillot, je ne vais pas m'enfuir. J'ai mon auto qui m'attend en bas pour aller au poste avec les agents. Lâchez-moi, je suis une dame. » Le journaliste Louis Lazarus et l'huissier l'emmènent dans l'antichambre. On emmène Gaston Calmette de son côté à la clinique Hartmann à Neuilly, où l'équipe médicale va hésiter pendant de longues heures avant de l'opérer. On peut dire que c'est cette hésitation sans doute qui finalement lui aura été fatale. Il va mourir sur la table d'opération avant d'avoir repris connaissance. On cite souvent ces derniers mots qui sont assez frappants, évidemment. « Dites bien que je n'ai voulu faire de mal à personne, je n'ai fait que mon devoir. » Évidemment, l'allusion est transparente à la grande campagne qui a été menée contre Caillot depuis des semaines. Ainsi donc, Gaston Calmette va succomber à ses blessures dans cette clinique de Neuilly. Pendant ce temps, Henriette Caillot, elle, est interrogée au commissariat du Faubourg Montmartre. Elle est interrogée par le commissaire Carpin. Sont présents, évidemment, un certain nombre de personnalités. Ce n'est pas n'importe qui. Vous imaginez l'importance d'un tel événement. Il y a là le procureur de Paris, Lescouvé, le juge d'instruction Boucard, le directeur de la Sûreté et un certain nombre de policiers de haut rang. Oh, Madame Caillot ne fait aucune difficulté à reconnaître les faits. Elle explique qu'elle n'a pas eu l'intention de donner la mort. « J'espère ne pas l'avoir trop gravement blessée. Je voulais juste lui donner une leçon, dit-elle. » Son mari va finir par la rejoindre. Il a été informé alors qu'il n'avait pas encore quitté le Sénat. Il est informé dans un premier temps par le président du Conseil, on l'appelle aussi de l'Élysée. Il est escorté jusqu'au poste de police par le ministre du Commerce, Malvy, par Privat Deschanel, qui est le secrétaire général du ministère des Finances. Et puis il y a là aussi son chef de cabinet et un député et ami qui s'appelle Secaldi. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'entre donc pas seul, il est même plutôt en force. Et en entrant, il interpelle le peloton de service. « Ça vous fatiguerait de saluer le ministre des Finances ?» Car Joseph Caillot, président du Parti radical et radical-socialiste, ancien président du Conseil, n'est pas seulement ministre des Finances en exercice. Dans cette période de préparatifs de guerre, il est, disons-le, ou plutôt, il était l'homme fort du gouvernement d'Oumergue. Il l'était jusqu'à 18h15. Seulement maintenant, tout bascule. Devant le commissariat, la foule s'accroît. Et l'on crie déjà « Caillot, assassin !» Henriette devra être évacuée par une porte de derrière et elle est emmenée en taxi jusqu'à la prison Saint-Lazare. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand jusqu'à 15h. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou encore Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. La suite de votre récit, Franck, sur l'assassinat de Gaston Calmette. Et oui, il faut que je vous présente peut-être à ce stade maintenant le personnage principal, le protagoniste de cette histoire que j'ai à peine effleuré pour le moment, Joseph Caillot. Autant l'admettre d'entrée de jeu, Caillot n'est pas un homme sympathique. D'aspect, je dirais même qu'il est un peu rebutant. Il a 50 ans, il faut imaginer un homme avec une moustache très dure, comme ça un petit peu à la Hercule Poirot, vous voyez, on est à l'époque, hein, tout à fait chauve. Il porte le monocle avec une affectation aristocratique, ce qui donne à tout le monde le sentiment qu'il toise la terre entière. Il est volontiers cassant. Si vous voulez, c'est un peu le prototype du grand bourgeois arrogant de cette période de la Belle Époque. Hein. Chenu, qui sera témoin du procès, écrira « Il a la classe, il piaffe comme un cheval de pur sang et méprise en secret les lourdeaux et les croquants, amis ou ennemis. » Il est très content de lui, cet homme-là. Il faut dire qu'il est brillant. Il a été très précoce, il est devenu très jeune inspecteur des finances, il s'est tôt lancé dans la politique. C'est un petit coq, vous savez, qui est le fils d'un père lui-même très lancé dans la politique, orléaniste. Il a été plusieurs fois ministre. Sa carrière a été brisée, oh, comme tant d'autres carrières, par Clémenceau. Mais vous savez que j'évite de trop dire de mal de Clémenceau, parce qu'après ça me vaut toutes sortes de poursuites et d'ennuis. Alors laissons Clémenceau de côté. Le fils a multiplié les succès. Il siège à plusieurs conseils d'administration, il préside un crédit foncier, une banque sud-américaine. Évidemment, Joseph avait tout pour mener la carrière d'un leader conservateur. Seulement, c'est comme ça la politique. Les aléas et notamment les circonstances de sa première élection l'ont placé à gauche. Et c'est assez paradoxalement au parti radical qu'il a fait carrière. Il est donc en quelque sorte, si j'ose dire, un millionnaire de gauche, un grand bourgeois qui parle au nom des ouvriers. Et notamment, il s'est institué officiellement le promoteur de l'impôt sur le revenu. À l'époque, Cette idée d'un impôt progressif et plus ou moins égalitaire est très mal perçue dans les classes possédantes. Sur le plan privé, Joseph Caillaux est encore célibataire en 1901 quand il devient ministre des Finances une première fois. Il a une maîtresse qui s'appelle Berthe Dupré-Néguet dans Femme d'un fonctionnaire des Finances, dont Caillaux a tout de suite fait un percepteur à Neuilly. Et c'est à elle qu'il a adressé le 13 mai 1901 une lettre compromettante, mais alors très compromettante, une lettre qu'il a signée Tongeau. Et vous savez qu'à l'époque, ça fait très proustien de parler comme ça, mais à l'époque on désigne les lettres, les documents, les événements par quelques mots comme ça. Donc ce sera désormais la lettre Tongeau. Voilà ce qu'on y lit. J'ai dû subir hier deux séances écrasantes à la Chambre. J'ai d'ailleurs remporté un très beau succès. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Je redis cette phrase parce qu'elle est quand même pas triste. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Ben voilà de la belle politique. Je me suis fait acclamer par le centre et par la droite et je n'ai pas trop mécontenté la gauche. Autrement dit, le bonhomme apparaît comme ce qu'il est, c'est-à-dire un homme au caractère duplice, doublé d'un très grand cynique. 5 ans plus tard, cette dame va divorcé pour épouser Joseph. On peut dire qu'à ce moment-là, le ver est dans le fruit. Dès 1907, il prend une nouvelle maîtresse, Henriette Renoir, qui au passage est la femme de Léo Claretti. D'ailleurs, ils auront une fille. Seulement en 1910, les choses changent. Nouvelle échéance électorale importante. Caillaux se méfie. En juillet 1909, il a adressé 2 lettres à sa Riri bien-aimée et posé 1 000 000 000 de baisers sur son petit corps adoré. Vous voyez le genre de courrier. Et il se rend compte de l'imprudence. Alors il réclame les lettres en poste restante. Seulement, les lettres, elles restent dans le secrétaire de la dame. Sa femme va les découvrir. Alors là, il y a une scène absolument terrible. Il décide de brûler les lettres, mais pas assez vite, puisqu'elles ont été photographiées, ces lettres. Je vous passe sur la grande scène de réconciliation, sur l'auto-da-fé conjugal. Les élections de 1910 ont donc lieu. Il est réélu dans la Sarthe et aussitôt après, il engage le divorce. Et c'est à ce moment-là que va ressortir la jolie petite lettre Tongeau. La Caillaux sursaute. On va la brûler. Il y a longtemps que Berthe a fait faire une photographie, je vous l'ai dit. En 1911, lui-même devient président du Conseil. Il épouse enfin Henriette. Son témoin, du reste, est Raymond Poincaré, le futur président de la République. Or, en cette année 1911, 2 affaires importantes sont venues écorner un peu l'image de Caillaux. D'abord, à l'été 1911, Caillaux est président du Conseil au moment où survient la fameuse crise d'Agadir. La France, vous savez, est en train d'étendre son influence sur le Maroc. On a installé des troupes dans Fès et dans Meknès. Et le Kaiser, jaloux, envoie la célèbre canonnière Panthère devant Agadir. On est à 2 doigts de la guerre. Caillaux veut l'éviter, cette guerre, parce qu'il sait qu'elle est suicidaire pour la France et d'une façon plus générale pour le vieux monde. Alors par-dessus son ministre de Selve, il va marchander aux Allemands un petit bout du Congo. Ce que la presse surnommera 10 milliards de mouches tsetse. Ça coûte pas cher, finalement. Or, l'ambassade à Paris a échangé 3 télégrammes avec la chancellerie à Berlin. Des télégrammes qui étaient sur papier vert, c'est ce qu'on va appeler les vers d'Agadir. Des télégrammes où sont évoqués les termes des pourparlers secrets avec Caillaux. Ça, c'est quand même embarrassant. Ça, c'est pas très facile à porter. Ça fait ce qu'on pourrait appeler une bombe à retardement. Et puis, la deuxième affaire, bien plus embarrassante encore pour Joseph Caillaux, c'est l'affaire Rochette. Qui est Henri Rochette? Oh, c'est un ancien garçon de café devenu employé de banque, puis spéculateur véreux, fondateur d'un certain crédit minier qui n'a d'autre ambition que de spolier des milliers de petits épargnants. Or, le Trust Rochette bénéficie de soutiens au culte et il arrose largement la classe politique, notamment Caillaux, par l'intermédiaire du journal Le Rappel, que dirige un de ses amis intimes, un ami intime de Caillaux. Rochette a décidé lui-même de faire main basse sur le petit journal. Seulement, le patron du dit organe de presse ne se laisse pas faire. Il monte une contre-offensive qui fait tomber Rochette et l'entraîne dans un procès à rebondissement. En juillet 1910, l'escroc est condamné à 2 ans de prison. Il fait appel, tandis qu'on ouvre à la Chambre une commission d'enquête dont Caillaux, tout ministre des Finances qu'il soit, se retrouve membre. En mars 1911, le ministre des Finances est donc dans le bureau du président du Conseil. Il demande qu'on fasse pression sur le parquet pour que les débats fixés au 27 avril soient renvoyés après les vacances judiciaires d'été. En effet, Rochette est en train d'écrire un livre explosif qu'il menace de faire publier dans l'hypothèse où sa condamnation serait confirmée. Or, en repoussant les débats de quelques mois, on atteindrait le délai de prescription, ce qui fait que l'affaire serait tout simplement étouffée. On a vu ça depuis un certain nombre de fois. Le président convoque donc le procureur général Victor Fabre. Il lui ordonne de reporter les débats dans l'affaire Rochette, ce qui est fait. Du reste, le 27 juin, Caillaux devient lui-même président du Conseil. Seulement, l'affaire d'Agadir fait tomber le gouvernement. Un cabinet Poincaré est formé, dont le garde des Sceaux n'est autre qu'Aristide Briand. Et Briand, qui n'aime pas Caillaux pour des raisons un peu compliquées dans lesquelles je n'entrerai pas, convoque le procureur général Fabre. Il le convoque au ministère, hein, place Vendôme, pour lui demander des comptes. Et c'est à ce moment-là que Fabre lui communique le procès-verbal qu'il avait dressé à l'issue de son entretien du mois de mars chez le président du Conseil. Et tout ce qui a été dit ce jour-là dans le bureau se retrouve dans le procès-verbal. Encore un document explosif. Si vous ajoutez à ça les vers d'Agadir, la lettre Tongeau prouvant la duplicité de Caillaux quant à l'impôt sur le revenu, et puis tous les mots adressés en double adultère à la Riri bien-aimée... Ça finit par constituer une belle batterie de casseroles dont les ennemis de Joseph Caillaux vont bientôt pouvoir s'emparer. Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand. C'est la dernière partie de votre récit consacré à l'assassinat de Gaston Calmette. Et oui, et évidemment, le grand ennemi, j'ai presque envie de dire le grand ennemi secret de Caillaux, c'est en fait un ancien ami, le leader de droite Louis Barthou. Il faut vous dire qu'à la fin de 1913, Caillaux a beaucoup œuvré au renversement du ministère Barthou. Et celui-ci, qui est soutenu tout à fait discrètement par Aristide Briand, mais qui est également soutenu encore plus secrètement par Raymond Poincaré, a décidé d'avoir la peau de notre Joseph Caillaux. Comment ? Eh bien, par le grand moyen de cette époque. Vous savez, il n'y a pas 36 moyens lorsque l'ensemble de l'opinion à l'époque s'appuie sur la presse. On est dans cette grande presse populaire. Il y a un grand journal qui est là pour ça, si je puis dire. C'est le Figaro, dont le patron est le très discret et le très courtois Gaston Calmette. Eh bien, on va mettre Monsieur Calmette à contribution. Voyez comment les choses se mettent en place. La campagne orchestrée par Calmette dans le Figaro commence en fait dès le mois de décembre 1913. Alors, on commence par rappeler l'histoire des négociations franco-allemandes de 1911. Et puis, le Figaro rouvre le dossier de ce qu'il appelle les combinaisons secrètes de Monsieur Caillaux. Du reste, pas tellement étayé ce dossier-là. Et puis, le Figaro accuse Caillaux d'avoir exigé pour sa caisse électorale 40 000 francs du comptoir d'escompte. Là, ça commence à sentir le roussi. Le 15 janvier, nouvelle accusation et une accusation cette fois à propos des nominations de complaisance à la Société Générale. Et du 20 au 25, on revient sur l'affaire d'Agadir, puis sur un certain nombre de trafics d'influence, sur des délits d'initiés, sur des captations d'héritage. Enfin, c'est une campagne de presse tout simplement. Et ce qui a si bien commencé à la fin de l'année 1913, pendant toute sa mesure, prend de l'étoffe dans le mois de janvier, février, et ça continue encore en mars. À la demande de Caillaux, le président Poincaré envoie tout de même Barthou chez Calmette pour empêcher la publication des fameux télégrammes verts d'Agadir. Vous savez, on arrive là au moment où on est le 12 mars. Et c'est le moment de l'annonce par Calmette dans le Figaro que le lendemain, son journal publiera un curieux autographe dédié par Monsieur Caillaux à ses électeurs. Et l'autographe en question, c'est la fameuse lettre Tongeau. Vous savez, cette fameuse lettre de 1901 où l'on voyait la duplicité complète de Caillaux à propos de l'affaire de l'impôt sur le revenu. Et là, Caillaux comprend. Sa première épouse, Berthe, a conservé des photographies de la correspondance brûlée. Or, elle possède aussi les fameuses lettres adultères adressées à la Riri bien-aimée, ainsi que leurs réponses. À partir de ce moment-là, Madame Caillaux, Henriette, qui vivait déjà au plus mal toute cette terrible campagne de presse, Henriette ne vit plus. Le 14 mars, Caillaux retourne voir Poincaré. Je sais maintenant de sources sûres que Calmette veut publier le rapport Fabre, lui dit-il. Vous savez, le fameux rapport terrible sur l'affaire Rochette. Le 16 mars, rappelez-vous, on est arrivé là, le jour du drame, Caillaux est encore une fois dans le bureau du président de la République pour essayer de tenter d'empêcher que Calmette n'attente à sa vie privée. Poincaré le rassure, mais enfin, cher ami, vous connaissez Calmette, il ne ferait pas cela, voyons, c'est un gentleman. Ah ça, c'est un gentleman, la suite maintenant, vous la connaissez. « Alors après son crime, Henriette Caillot a été conduite, je vous l'ai dit, au commissariat dans sa propre voiture, puis transférée donc à la prison Saint-Lazare, où Joseph, son mari, obtient d'aller la visiter. Elle lui redit pour la énième fois l'inquiétude, que dis-je, l'angoisse qui a été la sienne dans les semaines précédant le crime. Joseph Caillot affronte cette incroyable adversité. Il a téléphoné au président du conseil, Gaston Doumergue, pour lui expliquer qu'il abandonnait la vie politique afin de se consacrer à la défense de sa femme. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle va en avoir grand besoin. Bonjour Dominique Jamais. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir. Vous êtes donc l'auteur de ce récit haletant, La chute du président Caillot, aux éditions Pygmalion. Nous allons voir avec vous jusqu'où est allée cette affaire et quelles ont été ses répercussions. Mais nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une cabale au départ. Madame Caillot n'était pas paranoïaque, il y avait bien une très grande offensive contre son mari. Il y a... Vous en avez parlé. Il y a une campagne du Figaro d'une violence, d'une intensité, d'une continuité inouïe par rapport aux mœurs habituelles du Figaro, qui à l'époque était déjà un journal respectable, ça n'est pas dans ses habitudes, et par rapport même aux habituelles campagnes, si je peux dire, parce que l'avant-première guerre mondiale, c'est une période où la presse était violente. Oui, évidemment, hein, terrible. Elle était terrible. Alors, mais à ce point-là, c'est rare. Alors cette campagne, oui. Et puis bien sûr ses conséquences, oui. Et le grand procès qui va s'ouvrir, c'est ce que nous allons revivre en votre compagnie, Dominique Jamais, dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire de l'affaire Caillot. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Dominique Jamais, journaliste et écrivain, auteur notamment de La chute du président Caillot aux éditions Pygmalion. Donc cette affaire Caillot qui a à peu près un siècle, hein, puisqu'elle commence, vous l'avez compris, à la toute fin de l'année 1913 et qu'elle va littéralement occuper tout le premier semestre 1914 et même un peu au-delà, puisque encore pendant l'été 1914, au moment où le monde est en train d'entrer en guerre, en tout cas l'Europe, eh bien on s'occupe encore beaucoup de cette affaire Caillot. Donc Dominique Jamais, ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que ce sont derrière la campagne du Figaro, il y a un certain nombre des amis de Caillot, comme si les attaques venaient de son propre camp. Des anciens amis, oui, voilà. dont certains étaient très proches. Mais le fait divers sensationnel, l'assassinat de Gaston Calmette par Madame Caillot, c'est quand même un peu, si vous me permettez une comparaison éclairante, comme si Madame Cahuzac était allée tuer Edoui Plenel. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait fait du bruit. De cet ordre-là. Le fait divers sensationnel a fait oublier, a fait disparaître, a recouvert tout ce qui était derrière et qui va singulièrement au-delà du fait divers, du sensationnel, du personnel, du passionnel. C'est un grand fait divers au cœur d'une affaire politique de première grandeur. Eh oui. Qui sont les adversaires de Caillot ? Voilà. Les adversaires de Caillot, c'est quand même le président de la République en exercice. Point carré. C'est pas mal. Ce sont trois anciens premiers ministres. Aristide Briand. Qu'on appelait les présidents du Conseil à l'époque. Vous avez tout à fait raison. Je fais un anachronisme. Trois anciens présidents du Conseil. Aristide Briand, pas rien. Louis Barthou et Clémenceau. Aristide Briand et Barthou ont d'excellentes raisons. Caillot a directement ou indirectement renversé leur gouvernement. Bon. Poincaré a de très bonnes raisons aussi, après avoir été ami et témoin au mariage de Caillot, lorsqu'il s'est présenté à la présidence de la République, Caillot et Clémenceau, se trouve-t-il, ont fait campagne contre lui, violemment. Quant à Clémenceau, là, on touche à du plus politique, Clémenceau voit en Caillot un défaitiste, l'homme du rapprochement avec l'Allemagne, l'homme de l'apaisement avec l'Allemagne, dont Clémenceau ne veut pas. L'affaire d'Agadir a laissé des traces. Quasiment un traître, et d'ailleurs... Clémenceau poursuivra Caillot, arrivé au pouvoir en 17, poursuivra Caillot pour trahison en 17. Bon. En pleine guerre, en fait. Hein. Pourquoi ces gens-là se sont-ils ligués contre lui ? C'est pour deux raisons. La première, c'est que tout simplement, Caillot, dont vous n'avez pas caché les défauts, il a de gros défauts, Caillot est un rival. C'est un des premiers rôles, c'est une des grandes divas de la politique. On l'a oublié aujourd'hui, Caillot, mais c'est un des rares, un des quatre ou cinq qui peuvent aspirer au premier rôle. On dirait aujourd'hui un présidentiable. C'est ça. Si vous me permettez, un premier ministrable, parce qu'un président du conseil, c'est pas joli. Bon. Et Donc, celui que ces quatre hommes politiques de premier plan poursuivent, c'est un rival pour des places du même genre que celles qu'ils occupent ou souhaitent occuper. Mais c'est aussi... Là, ce sont les lions entre eux, en quelque sorte. Absolument, ce sont des fauves. La Troisième République n'est pas aussi câline, aussi gentille, aussi bonhomme qu'on pourrait se l'imaginer aujourd'hui. Les passions y sont violentes, les haines politiques fortes, et les cabales ne manquent pas. La preuve, les cabales ou les complots. Donc des rivaux, mais aussi des adversaires. Adversaires politiques, de deux manières. Lorsque Caillaux a été renversé début 1912, après l'affaire d'Agadir que vous évoquiez, il n'était pas marqué politiquement. Il était un républicain, pas modérément républicain comme on disait, mais un républicain comme eux tous. Il a été renversé à cette époque déjà par la coalition à peu près des mêmes. Et il s'est rendu compte de façon très moderne que le chemin du pouvoir lui était barré. À droite, qu'il y avait suffisamment de personnalités de premier plan, celle que je viens de nommer. Il n'y avait plus de place pour lui, en fait. Il n'y avait plus de place. Et il s'est rendu compte aussi qu'il avait été un homme isolé, qu'il n'avait pas de parti derrière lui, qu'il n'avait pas de structure. Toute sa carrière, il l'avait bâti sur ses mérites, ses qualités, réelles ou imaginaires, bon, mais il n'avait pas de soutien. Il en a tiré de conclusion. Puisque la route du pouvoir est fermée à droite, c'est par un autre chemin qu'il faut passer. On en a connu d'autres qui ont fait Exactement. Ce chemin par la suite. À telle enseigne d'ailleurs que Caillaux, cela rappellera quelque chose à nos contemporains, Caillaux, qui n'était pas adhérent du Parti radical, a adhéré au Parti radical, disons, le vendredi. Le dimanche, il était président du Parti radical. Pas mal. Bon. Et donc, allusion, je dis ça pour nos plus jeunes auditeurs, entre parenthèses, à François Mitterrand, par évidemment. Exemple, je ferme la parenthèse. Adhérent du Parti socialiste, ouais. Puis premier secrétaire du jour au lendemain. Et donc, Caillaux s'appuie sur un parti, le Parti radical, qui est à l'époque le grand parti de gouvernement, le parti sans lequel on ne peut pas avoir de majorité, le parti qui fournit les présidents du Conseil, le plus gros parti de France. Caillaux, à partir de ce moment-là, à partir de fin 1912, devient un homme véritablement redoutable. Il est de gauche, il représente la gauche, il est appuyé par un parti. Mais au-delà encore, ce sont là les véritables explications. Entre 1912 et 1914, il y a deux sujets qui sont, comme on dirait aujourd'hui, clivants. Les sujets explosifs. Explosifs. Le premier, c'est l'impôt sur le revenu, dont, malgré la fameuse lettre Tongeau, Caillaux s'est fait le champion pendant 12 ans, depuis 1902 jusqu'à 1914. L'impôt sur le revenu, c'est-à-dire cet impôt juste, progressif, proportionné, facile à percevoir, etc. Mais révolutionnaire. Révolutionnaire qui remplit d'horreur tous les possédants, naturellement, tous ceux qui risquent d'y être soumis, les professions libérales et les gens qui n'y sont pas habitués et qui disent c'est une inquisition. Impôt dont le plafond, à l'époque, est prévu pour être de 4% des revenus. Mais ça suffit néanmoins à déclencher la fureur, évidemment, d'une partie considérable de l'opinion. Mais le deuxième sujet clivant, c'est les 3 ans. On a oublié ce que c'était, c'est très simple. La France... Le service militaire, là. Hein. Les 3 ans de service militaire. La France a une population moindre que celle de l'Allemagne, 40 millions contre 60 millions. Les gens qui considèrent la guerre comme inéluctable ou souhaitable veulent que les effectifs de l'armée française soient égaux à ceux de l'armée allemande. Pas d'autre moyen que d'allonger la durée du service militaire, d'avoir plusieurs classes sous les drapeaux. Et c'est la grande bataille des 3 ans qui est menée en 1913 par Barthou, à qui s'oppose Caillaux, et en mars 14, on est à 6 semaines et des élections législatives d'avril 14, où Caillaux et Jaurès unis vont représenter la gauche à la tête du Parti radical et du Parti socialiste. Et naturellement, la droite craint comme la peste qu'arrive au pouvoir cette coalition qui créerait l'impôt sur le revenu et qui diminuerait le service militaire. Dont... Alors qu'on est à deux doigts d'une guerre contre l'Allemagne, tout le monde Alors le sait. Alors que beaucoup de gens se préparent à la guerre bien sûr. Dans les hautes sphères et que le public, lui, vit dans une totale ignorance, inconscience de cela. D'où cette campagne qui va être orchestrée et dont le Figaro sera le vecteur, jusqu'à ce que Madame Caillaux aille tuer Gaston Calmette, le patron du Figaro. Madame Caillaux, que va-t-elle devenir dans cette affaire? Eh bien, elle devient bien sûr une accusée extrêmement médiatique, si j'ose cet anachronisme. Puisqu'évidemment, elle fait la une de toute la presse. Ce procès sera la grande affaire de 1914, avant l'autre, évidemment. Thank you. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'affaire Caillot cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Dominique Jamais, journaliste et écrivain, auteur notamment de La chute du président Caillot aux éditions Pygmalion. L'avantage avec un invité comme Dominique Jamais est qu'on n'a pas besoin de le présenter. Alors dites-nous, Dominique Jamais, comment Caillot vit ce fait divers épouvantable. Sa propre femme a assassiné le patron du Figaro. Ça pouvait pas plus mal arriver, et d'autant plus que aux fameuses élections d'avril, la coalition de gauche l'emporte. Exactement. Ce que l'on a totalement oublié, comme on a oublié Joseph Caillot lui-même. Madame Caillot, sitôt assassinée Calmette, a été transférée, vous le disiez, à la prison de la Roquette. Elle y est reçue, sinon comme une reine, au moins comme une invitée de marque. Elle est VIP, oui. Elle n'a pas une cellule. On abat une cloison pour qu'elle ait une cellule un peu confortable. Le directeur lui donne son cabinet de travail pour qu'elle puisse recevoir son mari et causer. On met une détenue à son service. On lui permet d'aller faire chercher chez elle du linge fin. Et elle fait venir ses repas de grands restaurants. Monsieur Caillot a le bras long, n'est-ce pas ? Vous le disiez. Il a le bras long. Vous disiez que c'est un homme arrogant, c'est vrai, c'est un homme orgueilleux. De Gaulle disait quand même que c'était le seul homme d'État de cette époque, ne l'oublions pas. Bon, quoi qu'il en soit, Caillot a été désemparé dans un premier temps, on le saurait à moins, sa femme ne lui a pas rendu véritablement un service, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle l'a vraiment plongé dans les ennuis. Et dans un premier temps, il dit « je renonce irrévocablement à la vie politique ». Ce sont des choses qu'on dit sous le coup de l'émotion. Il démissionne du gouvernement d'Oumergue, dont il était l'homme fort, et puis des délégations d'électeurs de la Sarthe viennent le trouver. « Monsieur le Président, ne faites pas ça, on a tellement besoin de vous, vous voyez, 4000 signatures, 8000 signatures ». Caillot s'est laissé fléchir, il s'est présenté à l'élection législative, il n'a pas abandonné la vie politique, il a gagné les élections. La logique, quoi qu'en pense Poincaré, Barthou, Briand et toute la clique, la logique naturellement voudrait que l'on appelle à la présidence du Conseil le chef du parti le plus important, du parti victorieux, Sauf qu'il y a quand même un gros problème. Mais Madame Caillot est en prison et elle va répondre d'un assassinat. Et donc, Caillot se fabrique un calendrier politico-judiciaire extrêmement simple. Je suis revenu dans la vie politique, j'ai été élu, j'ai remporté les élections. Je ne peux pas revenir au pouvoir tant que ma femme est en prison. D'ailleurs, il ne serait pas possible que je sois président du Conseil avec ma femme détenue quelque part. Donc, ma prochaine étape, c'est de faire acquitter ma femme. Et en octobre, après qu'un sous-fifre, un homme à pâle figure, hélas, c'est lui qui était président du Conseil en juillet 14, René Viviani, il joue les intérims, il fait le remplaçant, et dès que j'aurai réglé le problème de ma femme, en septembre, à la rentrée parlementaire, je reviens au pouvoir et on verra ce qu'on verra. Il faut quand même avoir un caractère tout à fait trempé, hors du commun, pour se fixer un tel agenda lorsque sa propre femme vient de tuer le patron du Figaro, quand même. Hein. C'est assez absolument extraordinaire. Hein. Absolument. Mais Caillot ne recule devant rien. Et voilà ce qu'il fait. Il arrange à sa femme, il faut bien le dire, un procès aux petits oignons qui va se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'il veille, par exemple, au calendrier judiciaire, je le disais. Les présidents des assises de la Seine tournent, il y a une rotation. Et c'est seulement fin juillet, hélas, qu'il se trouve qu'un président qui a de la tendresse pour le Parti radical et dont le fils est un dignitaire du Parti radical va présider la session. Oh. Caillot fait programmer le procès pour à cette ce période-là, voilà. 20 juillet, 28 juillet. 20 juillet, 28 juillet 1914, on est à quelques jours de la Première Guerre mondiale. Le procureur pourrait être un homme dangereux, après tout s'il requérait contre quelqu'un qui a tiré des coups de revolver sur quelqu'un d'autre. Le procureur est fait commandeur de la Légion d'honneur quelques jours avant le procès, ma foi, il ne dira pratiquement mot. Ça l'a beaucoup calmé. On dira un mot tout à l'heure de la Légion d'honneur à ce propos, puisque ce sera notre retour aux origines. Et il n'est pas... Bon, Caillot fournit à sa femme le meilleur avocat du moment, mais Fernand Laborie, qui a été l'avocat du capitaine Dreyfus, qui est vraiment la star du barreau. Une très grande célébrité, oui. Très grand avocat. Et dernière chose, dernière précaution, une espèce de micmac assez bizarre, il faut bien le dire, se passe. Lors de la sélection, tirage au sort des membres du jury, l'huissier laisse échapper une cassette où il y a la liste des membres du jury. On a le temps de la consulter et comme par hasard, le jour venu du procès, l'avocat de Caillot, Laborie, récusera les cinq jurés qui n'étaient pas précisément des amis politiques et le jury sera composé... C'est-à-dire qu'on a bien étudié qui était chaque juré, bien entendu. Le jury sera composé de gens qui ne sont pas hostiles au Parti radical. Et le président, pour en finir, le président des assises, c'est quasiment de la forfaiture, dira à ses jurés vous n'avez le choix qu'entre deux solutions. Ou bien vous déclarez que Mme Caillot est coupable d'homicide volontaire et c'est 10 ans de réclusion, 20 ans de réclusion, que sais-je, ou bien vous la quittez. Ils négligent de leur dire qu'il pourrait y avoir parfaitement homicide sans intention de donner la mort, voilà, et que ça pourrait valoir 1 an de prison, 2 ans de prison, un verdict normal. Donc, verdict, sentence du tribunal. Et verdict, il faut bien le dire, stupéfiant, ne s'expliquant que par la préparation du procès, Mme Caillot est acquittée. Incroyable. Or, et c'est là qu'on redébouche sur la politique, la plus grande politique, hélas, le procès commence le 20 juillet. Mme Caillot est acquittée le 28 juillet 1914, au moment où l'Autriche vient de déclarer la guerre à la Serbie et où la Russie s'apprête à déclarer la guerre à l'Autriche. C'est-à-dire que le calendrier politique de Caillot est bouleversé. Il s'agit bien de remplacer Viviani, il s'agit bien de redevenir président du Conseil, il s'agit bien d'organiser la vie politique. Évidemment, on n'en est plus là, on ne pense pas à cela. Et on y pense d'autant moins, la boucle est bouclée, que Caillot étant l'adversaire résolu de la guerre, plus pour des raisons pragmatiques d'ailleurs que pour des raisons philosophiques, il n'est pas question une seconde qu'il revienne au gouvernement. Qu'on lui donne le pouvoir au moment même où on est en guerre. Il est un adversaire de cette guerre qui vient de déclencher l'union sacrée allant des socialistes les plus extrêmes à l'extrême droite, ce gouvernement qui va diriger la France pendant toute la durée de la guerre. Il y a quand même une belle morale à cette fable en quelque sorte, puisque on a l'impression que Caillot, dans cette affaire du début à la fin, réussi à tenir lui-même les choses, à distordre la réalité pour la faire entrer dans ses intérêts. Il a réussi à complètement organiser le procès de sa femme, oui, et il est rattrapé par l'histoire qui, elle, n'attend pas. Oui, mais il est peut-être dommage que ce soit un président du Conseil inexistant, cornaqué par un président de la République belliciste, qui ait été en poste en 1914, car de la même façon que Caillot avait, ce que l'on a oublié, empêché la Première Guerre mondiale d'éclater en 1911, de la même façon, il aurait suffi, figurez-vous, qu'en 1914, il y ait un président du Conseil qui dise à la Russie « J'estime que les clauses de l'Alliance ne jouent pas ». Tout se serait dégonflé. Donc vous êtes en train de nous dire, Dominique Jamais, que les quelques petites balles tirées par cette dame un peu fragile, nerveusement, oui, oui, sur le grand journaliste Gaston Calmette dans son bureau, dont une seule finalement s'est révélée mortelle, oui, il aurait suffi qu'elle passât à quelques millimètres pour, oui, que Calmette survive. Oui. Ce fait divers, assez sordide d'ailleurs, serait en quelque sorte vraiment à l'origine de la Première Guerre mondiale, peut-être davantage que le coup de feu tiré par Princip sur l'archiduc François Ferdinand. Le printemps et l'été 1914 sont un printemps et un été à coups de revolver. Celui de Mme Caillot a brisé, les coups de feu de Mme Caillot ont brisé la carrière de son mari et empêché qu'un président du Conseil pacifiste soit aux affaires en 1914. Incroyable. Les coups de revolver de Princip ont été l'élément déclencheur naturellement. Et n'oublions pas non plus le coup de revolver tiré contre Jaurès. Et évidemment, qui a, le 31 juillet, éliminé le dernier partisan de la paix qui peut-être, c'est tard, avait une influence sur le peuple, mais qui certainement n'aurait pas rejoint l'Union sacrée. Mais c'est-à-dire qu'en vérité, si l'on met de côté l'affaire de Sarajevo, évidemment. Mais pour ce qui concerne les dirigeants français, et Dieu sait que la France est au cœur du dispositif d'alliance qui va entraîner l'Europe puis le monde dans la guerre, du côté de la France, ces deux hommes qui étaient les deux remparts en quelque sorte à la guerre, Jaurès pour ce qui est du peuple et Caillot pour ce qui est des élites, les deux auront été éliminés, le premier par la maladresse, si je veux, oui, dire, de sa femme. Par ricochet. Voilà, et le second, alors lui, carrément, on l'a assassiné. On est tranquille. Cela ressemble fort à un complot. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. C'est assez attristant, c'est assez lamentable. Que deviendra Caillot pour la suite ? Eh bien, il ne s'en remettra jamais. Cet homme dont l'ambition était grande et dont la capacité, malgré ses défauts, était reconnue par tous, sera, je vous le disais, je vous le rappelais, il sera épinglé, arrêté, incarcéré par Clémenceau. Clémenceau en 17, je fais la guerre, on le sait. Ça, donc tout ce qui est traître, naturellement, tout ce qui est défaitiste, tout ce qui est pacifiste, tous ceux qui sont au rapprochement, ce sont des ennemis, ce sont des gens à éliminer. Caillot passera 2 ans en prison entre 1917 et 1919. Clémenceau avait d'ailleurs recommandé lors de la dernière offensive allemande du printemps 18 que si le gouvernement devait quitter Paris précipitamment, comme en 14, on ne mette pas au dernier moment de fusiller Caillot. Oh là là là. Il n'en a pas été ainsi, mais Caillot a été relevé de sa condamnation, car il a été condamné en 1920, seulement en 1924, donc il y a eu 10 ans entre le les coups de feu de Madame Caillaux et son amnistie en 1924, où il a été écarté de Paris, écarté de la politique, écarté des premiers postes. Il est redevenu par la suite fugitivement trois fois ministre des Finances, mais jamais il n'a retrouvé le niveau et le statut qui était le sien. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fait divers apparent a eu des conséquences extraordinaires sur notre histoire et sur l'histoire en général. La chute du président Caillaux, c'est ce récit, je vous disais que c'était haletant, c'est même encore un peu plus que ça, c'est carrément captivant, ce récit de Dominique Jamais, et c'est publié chez Pygmalion. Merci beaucoup, Dominique Jamais. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et à l'occasion de l'exposition De Gaulle et le mérite, création d'un ordre républicain, une exposition qui a lieu jusqu'au 26 janvier au musée de la Légion d'honneur, qui célèbre les 50 ans de l'ordre national du mérite, vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de l'origine des décorations. Oui, ça tombe bien, étant donné tout ce qu'on vient de vivre. Vous savez à quel point les décorations ont été au cœur de la vie politique de la Troisième République. Je ne parle pas du fameux scandale des décorations de Wilson, qui était le gendre du président Grévy. Alors, je ne vais pas vous parler de tous nos ordres nationaux, simplement des deux principaux, donc la Légion d'honneur, bien sûr, et cet ordre du mérite actuellement à l'honneur, vous l'avez dit, puisqu'on célèbre son 50e anniversaire. Il faut bien être conscient que tout ça est directement hérité de notre vieille histoire. Ce sont les rois de France qui ont créé peu à peu un certain nombre d'ordres. L'ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI en 1469, celui-là est très politique, il a joué un rôle essentiel sur lequel je n'aurai certes pas le temps de m'étendre cet après-midi. Et puis Henri III, qui aimait tellement le protocole, les décorations, etc., va créer l'ordre du Saint-Esprit en 1578. Et c'est surtout l'ordre de Saint-Louis, fondé beaucoup plus tard par Louis XIV en 1693. Le but de Louis XIV est de récompenser notamment des officiers de l'armée royale. Il faut être de religion catholique, hein, évidemment, on est après la révocation de l'édit de Nantes. Mais des officiers qui ne seraient pas forcément, qui ne présenteraient pas les caractères de noblesse susceptibles de se voir décerner l'ordre du Saint-Esprit. C'est cet ordre de Saint-Louis qui est en quelque sorte l'ancêtre de la Légion d'honneur, puisque la couleur de son ruban, c'est le rouge. Les étoiles sont très proches, elles se ressemblent pas mal, et puis c'est un ordre qui est fondé donc sur le mérite et non sur la naissance. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque, il y avait donc cet autre ordre, l'ordre du Saint-Esprit, qui était beaucoup plus prestigieux encore et que le roi remettait, j'allais dire, à l'élite du royaume. Entre 91 et 93, 1791-1793, la Révolution supprime tout cela. C'est l'article 1er de la Constitution de 91 qui déclare que tout ordre de chevalerie, tout signe extérieur qui supposerait des distinctions sont supprimées en France. Voilà, comme ça on est tranquille. Sauf qu'évidemment, Bonaparte, une fois de plus, sous le consulat, va réinstituer dans un premier temps les armes d'honneur et puis peu à peu un certain nombre de distinctions avant la création de cette Légion d'honneur, bien entendu. En 1814, Louis XVIII aurait pu tout supprimer, mais il va conserver la Légion d'honneur, ce qui est assez extraordinaire. Quant à cet ordre du mérite, eh bien vous avez compris qu'il est très récent, puisqu'il ne date que du 3 décembre 1960. Cela fait 50 ans seulement que l'on porte de nouveau des petites rosettes bleues à certaines boutonnières.